J'ai perdu. Je te fais le double. Nous faisons le double. Entendu. Entendu. Mais ce n'est pas longtemps pour faire utilement le tour de Cracovie et de ses habitants. J'ai vu beaucoup de villes, mais n'est le juste Dieu ne contriste à mes yeux de façon plus hostile sous de plus vilains cieux. C'est une brume épaisse à couper au couteau, parfois gerçant la peau. Il neige ou pleut sans cesse, on ne sort pas très long. Mais le nouveau me tente et j'étais tout joyeux quand me tombait des cieux cette neige éclatante comme une poudre aux yeux. D'ailleurs, drôle de race, tous ces beaux colorés sous leurs épais bonnets, de profil ou de face, ont l'air de gros bonnets. Qu'importe l'avalanche, alors sans aguerri, ils n'en sont pas aigris, car si la ville est blanche, les bonnets sont gris. Pourtant, dans cette ville où le sort m'exila, en dépit d'un climat cultivant humide, je ne m'ennuie pas. Oui, quand je me remémore, quel moment d'amour, chaque matin qu'au séjour, ami, j'y rêve encore. Se tenant sur la place. Il en est sans voilà. C'est moi, veux-tu les voir? Allez venir. Voilà. Thank you. par sa charmeur qui vient de la terre à mon cœur si cher expire odeur douce senteur voix lointaine et tendre qui me fait entendre au pays. Est triste et grave, à son climat il est pareil. Les Français est joyeux et brave, plein de peau comme le soleil. Le Polonais est irritable, hargneux, grognon, rébarbatif. Le Français est plus expansif, il est galant, il est aimable. Voilà pourquoi le Polonais aux Français n'ont pas plaire, n'ont pas plaire, n'ont pas plaire. Et voilà pourquoi les gays Français n'ont pas plaire, n'ont pas plaire aux Polonais. La Polonaise la mardante, elle a la grâce et la beauté, tout en elle est séduit enceinte, elle est comme un beau jour d'été, un teint délice, des yeux de braise, elle a ce qu'il faut pour aimer, elle a tout pour se faire aimer, bref, rien n'est beau, la Polonaise. Vous les voyez, doux Polonais, sa femme est le contraire, le contraire, le contraire. Et voilà comment elle les rose. Je l'espère à tout Français. Je suis là, je te garde. Je n'ai pas rêvé, mais c'est mon cœur. près de moi. Calme, ma mignonne, ce cœur qui frissonne, apaise-toi. Chère mignonne, et les charmants, et les charmants, Thank you. Sur toise l'élève se devant ta beauté sur cette dévolupté à l'amour que je rêve. Tant d'honneur ne vaut pas vos célestes à pas esprit ou mort modeste. Un cœur en paix, et plus en pleine, le cœur de repère. Pour moi planer si on n'est pas ce qu'il m'est pour que j'ai craint la culbute. Quand on a verré mon cri, vous pouvez rire, votre femme. Ah, pourquoi ne m'est-il permis d'être viril tout autre, ma madame? Ah, mon rêve, quoi, mon feu, je le dis tout net, il peut pas votre chose. Avant que d'obéir, je laissais moi réfléchir car ma tête est en cause. Tu sais que c'est épris. Et si nous sommes épris, le pouvoir de présence, quel est-ce qu'elle m'en dispense? Et vous non, ce risque est trop gros. Non, j'y peux laisser ma tête, oui, ma tête, que voilà, et j'y viens. Vous non, vraiment, je préfère ne pas courir ce risque-là. C'est l'amour entre nous, entre amour, il m'est faux. Dans ma tête, j'avais un autre espoir. Oui, ce soir il me faut. Je l'ai mis dans ma tête. Je perds votre conquête. Qu'importe et méchant. Que ces Français m'ont dit, nous toujours amis. Je l'ai mis dans ma tête. De faire Alexina votre conquête. Dès ce soir, c'est mieux. Ce qui se trame contre lui ne lui donnera nul souci. Depuis qu'on l'a assuré d'avance, il partira sans résistance. Que tu redoutes et d'où vient qu'à ton roi tu portes intérêt. Oui, c'est là je m'en viens, tout mon secret. Thank you. danse, écoutez-moi. Ce qu'il faut faire, c'est toutes les fèves de notre croix. Thank you. est un ami. Peut-on l'accueillir avec confiance? Oui, j'en réponds. Il faut, avant tout, qu'il s'engage avec nous, pas seulement. Il va prêter serment. Il va prêter serment. Il va prêter serment. Il a raison, non, il a raison, il a raison, il a raison, non, j'ai vous le répète, tout ça finira mal. Il a raison, il a perdu la tête, nous agirons sans lui. Il a raison, il a perdu la tête, nous agirons sans lui. Que veux-tu faire? Thank you. Quel désespoir, quel tourment

m'aimerez, Mathieu. Qu'est-ce à dire? C'est le roi. Le roi? Quel roi? Non, puis. Quelle est cette plaisanterie? Que me voulez-vous de nous dire? Par ma foi, vous faites erreur. Je ne suis empereur ni roi. Et pas même marquis, mon rang est beaucoup plus modeste, car je suis simplement monsieur le comte de Nangis. Qui, moi? Que dites-vous? Permettez, je vous prie. Allons donc. Que dites-vous? Nangis, où donc? Et toi, la rue des subtiles, de passer pour moi vers une inutile. Nangis, c'est moi. Et vous, le roi? Je suis le roi. Je suis le roi. Service de prêter à cet artifice. Maintenant que l'on désigne celui qui s'en

Depuis hier, il est reparti, c'est l'archiduc Ernest, il est remplacé. Enlevez ses chiffres caducs et mettez à sa place, c'est Louis de l'archiduc. Des rois, autant comme les nôtres, voient tout bien, on en change souvent. Que ce soit l'un ou bien que ce soit l'autre, cela m'est bien égal. Toi, tu n'es pas très content. Oh, moi, j'en suis de moi, je manque, mais manque un nouvel enfant. Allume de l'eau, allume ses dents et ses cadeaux. Un roi qui part, un roi qui vient, qui sort un roi nouveau. Titres et toiles, ce bras pour nous les belles étoiles. Aussi, aussi, des vers, comme il le faut. Le décréo, ça faut, pour acclamer le roi nouveau. Aussi, des vers, comme il le faut. Le décréo, mon ça, pour acclamer le roi nouveau. Thank you. du pays des gondoles. Et c'est ces malheureux aimants que les femmes y sont frivoles. À faire des tempéraments, tromper ou n'époux en gondole. Si la cité sans embarras, on y cajole, on bat du vol. C'est la coutume qu'elle est. Mais en Pologne, ici nous sommes un pays tout très mal laissé, où l'on ne charme pas les hommes avec des petits français. Ici, bonsoir la barcarolle, adieu, soupir bateau fleuri. Nous l'autre que vos chers maris pour nous faire aller en gondole. Nous l'autre que vos chers maris pour nous faire aller en gondole. À Venise, on voit tout en rose, on aime en vert et caissonné. Toujours ça se termine en prose, le trait final, je les connais. Sous prétexte que les Vésuves, des faits ardents rougissent les yeux. L'Italie est comme une étuve, où souffle et brûle une olive. Mais en Pologne, adiam, adiam, on porte des peaux des moutons, on a des bottes jusqu'au ventre et des bonnets au manteau. Ici, la glace en girandole, les cœurs gelés, les nez rousis, les femmes restant au logis, ne mentent jamais en gondole. Les femmes restant au logis, ne mentent jamais en gondole. Thank you. Apaise-toi, ma Minka, je vais te rassurer. Oh, pauvre enfant, c'est le possible, avant de t'aimer. Attends, tu vas rire, je ne suis pas le roi. Oh, c'est possible, pour le roi. J'étais le roi, c'est vrai, mais il n'importe. Minka, c'est toi ma reine, car ta beauté, ta grâce souveraine, mon beauté, à toi le diadème, il n'est qu'à moi, c'est le Dieu qui fait que l'on t'aime, en lui j'y crois, vois-tu Minka lorsque l'on s'aime, lui s'aime. Oh, Thank you.